Isanganiro. Jean Bosco, Douimana. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 26 mai 2020 et voici les grands titres de cette édition de la mi-journée. Après les attaques à la grenade hier en mairie de Bujumbura, le président de la République exprime sa consternation face à ces actes criminels et demande aux Burundais de rester serein. Vous entendrez ce que pensent de ces attaques les citadins rencontrés dans les rues de Bujumbura. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au LECOM salue la suppression des exonérations pour certains agents comme ceux du secteur de la sécurité, exige l'assurance dans mon suivi. Et dans le reportage du jour, nous parlerons des initiatives de jeunes diplômés chômeurs de Nyanzalak en province de Makamba. Et dans la chronique « Parlera sur moi », on parlera de la propagation des messages de haine par des anciens dans la communauté à travers les réseaux sociaux. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, je venais de vous le dire, les habitants de la ville de Bujumbura se lamentent contre les attaques à la grenade survenues hier en mairie de Bujumbura. Ceux qui se sont exprimés sur la radio Isanganiro demandent au ministère de la Sécurité de concevoir des stratégies visant à renforcer la vigilance contre de tels actes criminels. Suivez ce micro-trottoir. Moi, en tant que Burundais, vraiment, je suis très, très choqué d'avoir comment est-ce que ces terroristes peuvent tuer les innocents. Au moment où notre pays, pour le moment, qui est très sécurisé, le pays qui est très calme, on ne sait pas de quel mobile ils ont commencé à jeter encore des grenades ici et là. On ne voit pas comment est-ce que quelqu'un peut quitter la maison pour aller chercher quoi à mettre sous la dent pour sa famille. Et quand il veut rentrer à la maison, en attendant les bis, et il y a directement les coups de grenade qui tombent devant lui. Et les gens sont péris vraiment. Alors, nous ne pouvons pas accepter ça, puisque notre pays, c'est un pays pour le moment qui ne connaît aucun problème de sécurité. Nous ne voulons pas les gens qui continuent à insécuriser notre pays. Il faut renforcer la sécurité de la population, car nous constatons que de tels cas se reproduisent au moment où la sécurité et la paix règnent. Il faut revoir les stratégies d'assurer la sécurité pour bannir de tels cas. Les conséquences sont multiples parce que les gens ne vaquent plus à leurs activités comme il se doit. Ils ne sont plus calmes au moment de l'exercice de leurs activités. Nous demandons à notre gouvernement à ce qu'il fasse tout moyen possible pour chercher les criminels et les mettre devant les juridictions afin que la justice soit faite pour eux. Nous demandons aussi au comité mixte de sécurité, à savoir nous la population, les corps de défense et de sécurité, la justice ainsi que l'administration, pour qu'on puisse mettre la force ensemble afin d'éradiquer toutes ces formes de terroristes qui veulent hander encore une fois notre pays. Voilà, c'était le micro-trottoir de la rédaction Isanganiro à propos de ces attaques à la grenade survenues hier dans les rues de Bujumbura. Et dans un tweet posté ce matin, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a exprimé sa consternation face à ces actes criminels qui ne font que ternir l'image du pays et réaffirme que ces terroristes n'ont pas de place au Burundi. Le président de la République adresse ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il demande à tous les Burundais de rester sereins et unis. Rappelons que le ministère de la Sécurité publique a fait état de 2 personnes tuées dans ces attaques à la grenade opérées ce mardi soir à différents endroits en mairie de Bujumbura et d'un criminel arrêté. Et le corps sans vie d'un enfant de sexe masculin âgé de 9 ans a été retrouvé le matin de ce mercredi. Cet enfant de deuxième année à l'école fondamentale, est disparu ce mardi. Vivait sur la colline Nyabikenge, en zone Kigina de la commune Bugabira, c'est dans la province de Kirundo, comme le confirme la population sur place ainsi que l'administration communale. La victime fait la 5e personne en l'espace de 4 jours. 4 parmi elles ont été retrouvées dans les lacs de Chohoha et Kanzigiri. De Kirundo, nous appelons notre correspondant Abraham Safari. Selon les informations en provenance de la colline Nyabikenke, zone Kigina, en commune de Bugabira, nous sommes en province de Kirundo, l'enfant du nom de Uwizeyimana Jean-Claude, âgé de 9 ans, a été retrouvé décapité dans la matinée de ce mercredi. Les mêmes sources, confirmées par l'administrateur de la commune de Bugabira, indiquent que l'enfant a disparu dans l'avant-midi de ce mardi, juste après avoir amené de l'eau d'une bonne fontaine. Mais on commençait à avoir des inquiétudes à la tombée de la nuit. Ils se sont alors précipités à alerter l'administration pour chercher cet enfant et ce dernier a été trouvé décapité à quelques centaines de mètres de chez lui. L'administrateur Eric Twizerimana, qui s'est rendu sur les lieux cet avant-midi, a demandé à la population de maintenir la paix et rester sereine et surtout se plaindre auprès de l'administration au cas où les conflits naissent. Il a signalé que 6 personnes ont été déjà appréhendées pour des raisons d'enquête. Rappelons qu'il s'agit de la 5e personne trouvée morte dans un délai ne dépassant pas 4 jours. 4 parmi elles ont été retrouvées mortes dans les lacs de Chohoa et Kanzigiri et une parmi les 4 avait été abattue par des machettes et jetée dans le lac Chohoa tandis que les 3 auraient fait un accident de noyade. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Pour boucler ce dossier sécurité, sachez que 3 personnes armées de fusils ont attaqué le soir de ce mardi vers 21h30 l'échangeur de monnaie Sawu Chimique Sosten, connu sous le sobriquet d'Ostoni, à son domicile situé à Kinyota de la commune Muyinga. Ils lui ont volé entre autres environ 600 000 francs burundais et $200 américains. Des sources policières indiquent que ces malfrats l'ont suivi alors qu'il rentrait tranquillement chez lui et dès qu'il est sorti de sa voiture, ils lui ont intimé l'ordre de se coucher à plat ventre et ont commencé à fouiller dans ses poches et dans sa voiture. Après leur forfait, ils ont tiré 2 coups de fusil et ont disparu. Des enquêtes policières sont en cours pour tenter d'identifier ces voleurs. La suite de ce journal à 13h04 à Bujumbura et sur Isanganiro. La somme de $500 que compte collecter le gouvernement aux auteurs d'actes de corruption et de détournement des fonds publics lors de l'exercice budgétaire 2021-2022 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale est très très insuffisante. Selon Gabriel Rufili, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olicom. Pour lui, ce projet de loi budgétaire favorise la survie journalière du gouvernement au lieu de mettre en avant l'intérêt du citoyen. On l'écoute, il était au téléphone avec Omer Ndouayo. La rubrique qui concerne le produit des détournements et des malversations. Cette rubrique a autour d'1 240 000 francs, équivalent à $500, si je peux redire ainsi. Ce montant est vraiment contradictoire avec le discours politique du chef de l'État et certains membres du gouvernement. En tout cas, au sein de l'Olicom, c'est même anormal. C'est un montant qui ne mérite pas d'être dans le projet de budget général de l'État. Pour l'Olicom, il faut redresser le tir, il faut vraiment changer les choses parce que tout le monde sait que le taux de croissance économique est négatif actuellement. Donc pour revoir à la hausse le taux de croissance économique, il faut qu'il y ait un budget d'austérité qui met en avant les intérêts des citoyens. Qu'est-ce qui devrait être fait pour améliorer donc ce projet de loi? Il faut que le budget général de l'État voté reflète la situation du pays. Et au sujet des exonérations supprimées pour certains agents comme ceux du secteur de la sécurité, le président de l'Olicom trouve que c'est bien fait, mais exige l'assurance du bon suivi. Encore une fois, Gabriel Rufsiri. L'Olicom pense, c'est vrai, nous remercions le gouvernement d'avoir pensé à diminuer les exonérations. Quand nous regardons les exonérations l'année passée, les exonérations qui étaient prévues, c'était 18 milliards, mais ils ont exonéré à peu près 170 milliards, donc presque 10% du budget général de l'État. Mais actuellement, la présidence, le ministère de la Sécurité, donc les services de sécurité, la documentation, la police et la défense, ne seront pas exonérés. Pour nous, c'est une bonne chose, mais il faut qu'il y ait un suivi. Sinon, remettre seulement dans le budget sans un suivi, c'est pas bon. Nous demandons qu'il y ait un suivi des exonérations parce que nous voyons qu'il y a beaucoup, beaucoup de vols qui s'opèrent à ce niveau-là. Voilà ce que nous pouvons recommander à résumer. Gabriel Ofsiri, président de l'Olicom. Le Code des personnes et de la famille prévoit les possibilités d'annulation du mariage. Analyse du journaliste de la radio Isanganiro et juriste de formation Alain Désiré Bukeneza dit que lorsqu'un des conjoints décide de revenir sur son consentement, il soumet l'affaire devant le tribunal de résidence. Et certes, le mariage a lieu quand il est célébré publiquement devant l'officier de l'état civil. Suivez-le au micro de Lydie Gahimbari. Le mariage a lieu quand il est célébré publiquement. Dans ce cas, les formalités exigent que les futurs époux comparaissent en personne devant l'officier de l'état civil. Et celui-ci leur donne lecture des pièces relatives à leur état civil et les instruit des droits et devoirs respectifs des époux. Donc, entre autres, il y a la cohabitation, il y a la fidélité, secours et assistance. Et à l'état civil, les futurs conjoints déclarent qu'ils veulent se prendre pour mari. Est-il possible que l'un des conjoints puisse se... Le Code des personnes et de la famille, le Code burundais, distingue les causes de nullité absolue qui sont limitativement prévues par la loi, le juge ne pouvant pas les apprécier. Mais il y a également des causes de nullité relatives qui donnent l'occasion au juge de pouvoir les apprécier souverainement. Ce sont notamment le vice de consentement de l'un des époux, défaut de consentement des parents ou du conseiller de famille. C'est dans le cas où l'un des conjoints est mineur, le consentement des parents ou du conseiller de famille doit avoir lieu. Il y a la clandestinité de la célébration ou l'incompétence de l'officier de l'état civil. Ce sont des causes de nullité relatives. En ce qui concerne les causes de nullité absolue, il y a l'impuberté, il y a le mariage entre époux ou alliés au degré prohibé, il y a la bigamie. Une autre cause, c'est l'absence de consentement de l'un des époux. En insistant sur ce dernier, le consentement des époux doit revêtir un caractère volontaire, mais aussi doit être conforme à la loi, donc au code des personnes et de la famille. Dans ce cas, quelle est la procédure à prendre? La nullité du mariage ne peut être constatée que par un jugement. Concernant la procédure, l'affaire est portée devant le tribunal de résidence. C'est le tribunal qui est compétent en cette matière. Le tribunal de résidence du domicile conjugal. Donc ici, on insiste que c'est le tribunal du domicile conjugal. La loi ici indique que c'est supposé que les conjoints sont déjà dans un même domicile conjugal. Avec la décision alors du juge, s'appuyant sur les causes prévues par la loi, c'est le juge qui pourra alors prendre la décision. Et avec la décision du juge, l'officier de l'état civil mentionne le jugement en marge de l'acte de mariage. C'était Alain Désiré Bukeneza et cet éclairage sur le code des personnes et de la famille intervient après l'arrestation par la police d'une fille qu'elle accuse d'abandon de famille, infraction punissable par l'article 556 du code pénal du Burundi, selon le porte-parole du ministère en charge de la sécurité publique. Et six tracteurs encore en bon état de fonctionnement sont garés depuis plus de deux ans au bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, en Ngozi, sans être utilisés. Et certains agronomes communaux parlent d'énormes pertes, car des pièces s'usent de plus en plus alors que ces tracteurs étaient destinés à l'exploitation de vastes propriétés foncières, comme celles des coopératives agricoles. Le nouveau directeur du bureau provincial en charge de l'agriculture en Ngozi dit avoir déjà informé ses supérieurs hiérarchiques pour que des techniciens soient envoyés pour former le personnel local sur le fonctionnement de ces machines. En ligne de Ngozi, Apollinaire Monsakara. Ces tracteurs sont arrivés là où ils sont garés au bureau provincial en charge de l'environnement, agriculture et élevage au mois de juillet 2019. Selon certains du personnel du BPA Ngozi, ces machines envoyées par le ministère de tutelle étaient destinées principalement aux coopératives agricoles et autres ayant de vastes propriétés foncières pour location. Ces employés du bureau provincial en charge de l'environnement, agriculture et élevage parlent de pertes énormes pour la population agricole de la localité, arguant qu'une de ces machines pourrait labourer un hectare en une seule journée sur un terrain qui n'est pas trop dur. Malheureusement, de leur arrivée jusqu'à maintenant, ils sont toujours garés dans un des barzas où certaines pièces commencent à rouiller. Le nouveau directeur du BPA Ngozi dit être préoccupé par ces machines. Ingénieur Kubwimana indique qu'il en a déjà informé les autorités de son ministère et ont promis une réponse urgente en envoyant des techniciens pour former le personnel sur le terrain en vue de faire fonctionner ces tracteurs. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sanganil. Merci Apollinaire Mozagara. Sans transition, c'est le reportage à la source. Je vous l'avais dit dans les titres, on parle des initiatives de jeunes ayant terminé leurs études secondaires et universitaires sur la colline Mvougo de la commune Nyanzalaka en province Makamba. Ils ont opté pour l'entrepreneuriat à travers la pêche et le commerce suite au manque de travail. Toutefois, ils regrettent qu'ils ne travaillent pas comme il se doit et demandent l'appui de la part de l'État. Ils font savoir qu'ils entendent uniquement parler d'initiatives de soutien des jeunes comme annoncé par l'État. Le reportage est signé Eline Nibelle Nibigira, de retour de Makamba. Sur la plage d'Mvougo, en zone Mukungu de la commune Nyanzalak, Deoba Kundukidze vient de sortir en des eaux du lac Tanganyika pour pêcher. Il n'a pas suivi les études en rapport avec la pêche. Il a fait le lycée pédagogique LP en sigle. Après avoir manqué de travail, il fait recours à la pagaie quittant la colline Burima de la commune Mabanda. Après avoir terminé les études et cherché du travail sans succès, nous avons constaté que rester à la maison, c'est dur. Pour que j'embrasse cette carrière, j'ai fait le lycée pédagogique et je suis resté sans boulot, mais je vois d'autres pêcheurs mener une bonne vie et je me suis dit, il faut que moi aussi je gagne ma vie à travers la pêche comme les autres. C'est ce qui m'a motivé de venir ici. Idem pour Jean de Dieu Ninhunze, qui a terminé les études secondaires dans la section des lettres modernes. Depuis 2015, il recourt au commerce du charbon et des tomates, mais ses activités marchent au ralenti, estime-t-il. Moi, j'ai fait les lettres modernes et j'ai décroché mon diplôme des humanités générales 2014-2015. Et maintenant, j'exerce le petit commerce du charbon et des tomates. C'est ce qui m'aide pour la survie. Il arrive que mon capital soit consommé et la vie devient difficile. Ces jeunes demandent d'être appuyés concernant les initiatives du gouvernement en faveur des jeunes et surtout la banque d'investissement pour les jeunes. Ils disent l'en entendre parler uniquement. Nous en entendons parler. Nous ne l'avons jamais vu. Nous la demandons de nous rendre visite et nous apprendre les modalités pour la saisir. Marcienne Valingayabo, sexagénaire de Mvougo, regrette que les parents assurent la scolarisation de leurs enfants et finissent par ne pas trouver d'emploi. Mais elle encourage les jeunes entrepreneurs. Franchement, c'est regrettable que nous dépensions les frais scolaires, mais nos enfants ne font aucun pas dans la vie alors que l'argent a été engagé dans leurs études. Mais l'on voit quand même d'autres qui gagnent une petite somme pour appuyer leurs parents. Néanmoins, ces jeunes diplômés de la colline Mvougo appellent d'autres jeunes à ne pas se croiser les bras en attendant un autre travail. Parle, rassure-moi. La propagation des messages de haine par des anciens dans la communauté à travers les réseaux sociaux se fait de génération en génération. D'après Patrice Sabougueva, sociologue, selon leur âge, le niveau de compréhension des jeunes face à ces messages ne leur permet pas de faire le discernement. Et ceci peut provoquer des tensions et violences de masse. Et pour déconstruire ce comportement, le rôle revient à tout un chacun. Ornella Mucho. La transmission de l'histoire du passé, de génération en génération, affecte le plus souvent négativement les jeunes qui n'ont même pas vécu cette situation. Le sociologue Patrice Sahougouheba ajoute aussi que suite aux nouvelles technologies, ces jeunes puisent des informations non vérifiées sur les réseaux sociaux contenant le plus souvent des messages haineux. Les discours haineux pour eux, d'abord, ça vient comme une leçon de la part des anciens. Les jeunes écoutent les anciens. Et cela dans la tradition orale. Aujourd'hui, avec la multiplicité, la multiplication des moyens de communication, ils arrivent à puiser dans toutes les sources de communication, les WhatsApp, les YouTube et autres. Et rarement, ils écoutent les médias reconnus. Comme conséquence, c'est la recrudescence des violences de masse. Et ces jeunes mémorisent plus ces discours haineux parce que leur niveau de discernement se limite à ce qui est sensationnel. Mais au lieu de demander pourquoi les choses se sont passées de la sorte, le discours haineux les incite à la violence. Comment ? D'abord la violence individuelle. Dans une tête qui n'a pas encore la capacité de discernement, le jeune est dépassé parce que son niveau de compréhension n'est pas capable de discerner et de dire ceci il faut retenir, ceci il faut effacer. Quand les petits groupes se solidarisent, ils vont vers des masses. Et là, l'élément déclencheur, C'est le discours haineux qui n'a pas été contredit. Selon Sabuguheba, c'est le rôle de tout un chacun dans la déconstruction des messages haineux. Le premier rôle, c'est celui des parents et éducateurs. Et cela doit être renforcé par l'appui des leaders dans la communauté ainsi que les administratifs. Merci Ornella Mucho, cette chronique met fin à ce journal. Il est 13h17 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal avec intérêt. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Elie Kadogo. Micro Jean Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi.